Hey, ma sécu c'est le hadith quotidien de mes shakil. Ténébreux pourtant je m'appelle Nordine. Par Dieu je vois pas de bandito, pas de mitoto, chez moi ça t'aide. Par fierté ça te fait ça comme entité. Hess life a fait qu'on a grandi tant. Maman a pleuré en quantité. Dans ma tête c'était quantico. Comme Toto je suis un bouseux. Dans le blues obligé le kebousse. Je fais pas de chrome qui m'a poussé. Même du hep je paye ma conce. Bresson comme le secteur brousse. À mentir personne même plein de flous. Je suis pas ton cousin. Je veux pas de conseils. On me les chuchote. J'ai la tête sur le coussin. Chaque jour c'est la paix. Chaque jour je risque un mandat dépôt. La rue m'a eu le bon vieux. La rue m'a eu le bon vieux. Je vide l'économie souterraine. Je suis dans les blèmes pro. La rue m'a eu le bon vieux. La rue m'a eu. Je dois rentrer à les années perdues que j'ai payé plein pot. Je suis pas là. Je suis dans la rue celle où chaque jour ton cœur fait pimpon. Dans les mots c'est bas. Hey. Faut de grosses paires pour faire nos charbons. Pète plus que ton cul, on pète des trapons. On prospère là où les fausses perdent. Après ce qu'on sera ultra beau. J'viens pas en peine, on aura le drapeau. Calibre et le sont tous mes rats. Il est temps de faire des gosses, mais sous commission rocatoire, c'est hard. T'aimes pas les risques, reste en brr. Moi c'est né, j'suis trempé dedans. Comme les mômes d'Arbeta, pauvres mais compétents. On ravitaille les secteurs sous CR avec Oro en péton. N a fait tard, et quand le bon char m'appelle, j'réponds N a fait tout. Chaque jour c'est la paix, chaque jour je risque un mandat dépôt. La rue m'a eu le bon vieux, la rue m'a eu le bon vieux. Je vide l'économie souterraine, je suis dans les blèmes pro. La rue m'a eu le bon vieux, la rue m'a eu. Je dois rentrer à les années perdues que j'ai payé plein pot. J'suis pas là, j'suis dans la rue celle où chaque jour ton cœur fait pimpon. Dans les mots c'est bas. Dans les mots c'est pas.